La délégation d'échange de l'enseignement pour l'amitié nippo-coréenne, conduite par Sonobe Mamoru, vice-président de l'Association pour les échanges des sciences et enseignement nippo-coréen, a déposé le 31 juillet un bouquet de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu, avant de rendre hommage.